Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vais traiter, inshallah, donc du troisième sujet qui est très délicat, il faudrait beaucoup de temps en réalité pour le traiter, mais je vais essayer de le faire, bi-ibnillah, dans cette vidéo sans froisser trop de personnes. Donc le sujet, c'est la polygamie, hein, dédicace à Abou Rayan qui n'arrêtait pas d'en parler. Je lui avais demandé d'arrêter d'en parler, il continue à le faire, donc moi je vais continuer à le faire. Je reprends le flambeau et je vais, inshallah, essayer de détailler la polygamie. La polygamie, sachez qu'elle a été statuée par Allah Azawajel, tout simplement car Allah Azawajel n'est pas injuste. Sachez que sa création est parfaite, mais qu'il y a dans sa création le libre arbitre. Et il ne peut pas, à travers sa création, venir éliminer le libre arbitre. Donc, je vais essayer d'être rapide. Hein, le problème, ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, malheureusement, je détaillerai, Inch'Allah, une autre fois. Hein. En fait, prenez par exemple 1000 femmes et 1000 hommes à la naissance. Hein, ils sont nés, je ne sais pas, le 17 février, aujourd'hui, là, le 17 février, 1000 femmes, 1000 hommes. Vous revenez les voir dans 40 ans et vous faites le compte. Qui est mort de suicide, qui est mort d'accident de voiture, qui est mort de cancer, qui est mort de guerre, qui est mort de je ne sais quoi, qui est vivant, qui a disparu, qui a changé de pays, qui a ceci, qui a cela. Bref, donc 40 ans après, vous revenez et vous faites les comptes. Et par exemple, je prends un chiffre, sur les 1000 femmes, il reste, je sais pas, 888 femmes. Et sur les 1000 hommes, il en reste 740. Donc il y a un décalage, par exemple, de 100 femmes. Il y a 100 femmes de plus que d'hommes. Le décalage, quoi qu'il se passe, sachez-le, par rapport au libre arbitre, par rapport à la vie, il est là. Qu'il se fasse du côté de la femme ou qu'il se fasse du côté de l'homme. Donc Allah Azawajal a décidé que le décalage se fasse du côté de la femme, c'est-à-dire qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Pour un certain nombre de points, si vous étudiez la nature de la femme, si vous étudiez la nature de l'homme, si vous étudiez leur caractère, leur possibilité d'accepter un certain nombre de choses, ce qu'elles veulent dans la vie, ce que les hommes veulent dans la vie, etc. Je ne vais pas détailler là, c'est trop long. Donc, il y a forcément un décalage. Et comme Allah Azawajel ne peut pas, enfin ne veut pas, enfin, en intervenant sur le libre arbitre, les gens auraient compris avec les accidents, avec tout ça, s'il y avait eu à la fin des 40 ans 749 femmes qui restent et 749 hommes qui restent, ils auraient compris que tout ça, il y a quelque chose derrière d'extrêmement puissant et ça aurait déclenché quelque chose d'encore plus grave. Personne n'aurait plus rien fait, c'est-à-dire plus personne ne serait sorti, plus personne n'aurait pris la voiture, plus personne n'aurait pris de risques, plus personne n'aurait, enfin je ne sais quoi, enfin voilà. Donc ça aurait arrêté la société, tout le monde aurait eu peur de la mort, enfin voilà, je peux pas détailler ici, mais c'est quelque chose de fou. C'est-à-dire les gens n'arrivent pas à comprendre ce que c'est le libre arbitre. Ils essaient d'intervenir, mais s'ils touchent, c'est comme l'effet papillon, ça crée un truc gigantesque derrière. Donc le décalage, en résumé, il aurait été là quoi qu'il se passe. Le décalage s'est fait du côté de la femme. Donc Allah Azawajel, pour ne pas être injuste et pour ne pas laisser des femmes de côté, sans mari, parce que si on met toutes les femmes et tous les hommes ensemble, il y aurait forcément des femmes qui auraient été de côté. Il a statué sur le fait que certains hommes, les plus honorables, les plus saints, les plus pieux, s'ils ont la capacité, bien évidemment, de prendre une deuxième femme, s'ils ne sont pas injustes avec elle, qu'ils en prennent une deuxième, et voire une troisième jusqu'à quatre, et s'ils sont injustes, s'ils craignent d'être injustes, il faut que l'homme en prenne une. Sachez que nous avons pas toujours été des citadins, que les agriculteurs, notamment à l'époque, c'était une grosse partie de la population, qu'il y avait des centaines de millions d'agriculteurs dans les provinces, partout dans les continents, qui étaient à l'écart de la société, qui étaient dans les montagnes. Et il y avait des villages où il y avait à peine 30, 40 personnes, des centaines de milliers de villages. Et dans ces villages-là, il y avait toujours des décalages, il y avait toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes, à travers les guerres, à travers les risques que les hommes aillent chasser, etc. À travers plein de choses, même le nourrisson féminin résiste plus que le nourrisson masculin qui meurt à la naissance. Plein de choses comme ça. La polygamie, ça a toujours existé dans toute l'histoire de l'humanité. Tous les prophètes étaient polygames. Beaucoup d'hommes étaient polygames. C'est une question de culture. À l'époque, ça ne choquait pas du tout, parce qu'à l'époque, les gens vivaient en société. C'est-à-dire que la mère, dans son village, par exemple, une femme, à côté d'elle, en face d'elle, il y avait ses parents. À côté d'elle, il y avait ses sœurs. À gauche, il y avait ses voisines. À droite, il y avait ses cousins. En bas, il y avait ses neveux. De l'autre côté de la rue, il y avait les commerçants qu'elle avait l'habitude d'aller voir. Il y avait une richesse sociétale, une richesse au niveau des valeurs, au niveau de tout ça. Donc l'homme, les rapports entre l'homme et la femme n'étaient pas comme aujourd'hui, c'était pas exclusif. On n'était pas dans l'exclusivité. La femme, dans sa vie, son homme représentait 20%. C'était son mari et le père de ses enfants et l'homme qu'elle aimait. Mais il y avait 80% d'échanges et de d'autres relations. Il y avait une richesse. Donc les femmes qui avaient le même homme, ou un homme qui avait deux femmes ou trois femmes, ça ne choquait pas du tout. Il n'y avait pas de manque, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas autant de conflits, c'était possible en réalité. Il y avait des endroits, il y avait des agriculteurs dans des provinces reculées qui avaient besoin de plusieurs femmes pour les aider dans leur exploitation. Et jusqu'à aujourd'hui en Afrique, il y a des exploitations ou des terres ou des villages qui n'auraient pas tenu sans le système de la polygamie. Parce que c'est pas possible d'avoir un homme, une femme avec des exploitations extrêmement grandes, agricoles. Et même la femme, si c'est l'homme qui va travailler tout seul sans que la femme y aille, elle a aucune compagnie parce qu'elle est reculée, parce qu'il n'y a personne aux alentours, ses parents ne sont pas là, ses amis ne sont pas là. Donc ces femmes-là, ça leur fait plaisir d'avoir une deuxième femme avec elles. Elles deviennent meilleures amies, elles deviennent intimes. Tout cela, bien sûr, se fait dans la pudeur, dans la religion, dans le respect, dans les limites. Et voilà, dans la communion et dans la solidarité et dans on souhaite à notre frère et à notre sœur ce qu'on souhaite de mieux pour nous. Et tout ça, la polygamie, toutes ces choses-là ne se font pas dans le vice, dans la perversion, en voulant un harem autour de soi, pas du tout. Aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir l'imaginer car nous vivons dans une société où tout le monde vit chez soi, reclus, divisé, et pour nous, notre femme ou notre homme, enfin l'homme représente pour la femme tout. C'est-à-dire que l'homme aujourd'hui, c'est tout pour la femme. C'est son ami, c'est son confident, c'est le père de ses enfants, c'est son meilleur ami, c'est tout en fait. C'est son voisin, c'est son oncle, c'est son père, c'est tout. Parce qu'elle passe 90% de son temps avec lui, 100% de son temps avec lui. Pareil pour la femme concernant l'homme, c'est tout pour elle. Donc c'est très difficile de venir intégrer une deuxième personne, une deuxième femme, par exemple, dans un foyer, dans une relation exclusive en Europe et dans le monde moderne occidental qui a divisé tout le monde, où il n'y a plus de relations sociales, tout a été fracturé. Donc tout ceci est incompréhensible pour les gens, mais c'est tout simplement parce que le monde a changé aujourd'hui, et ce monde-là est spécifique, c'est le monde du dégel, c'est le monde du chaos, c'est le monde de la division, c'est le monde de la folie, c'est le monde de tout. Donc on ne peut pas comprendre, avoir une grille de lecture efficace et saine par rapport à la polygamie et on a systématiquement des préjugés, en ne comprenant pas du tout ce sujet, en ne l'ayant pas étudié correctement. Donc je vous renvoie à vos livres d'histoire, à vos livres de sciences, d'anthropologie et vous comprendrez ce sujet et vous arrêterez de cracher sur ce sujet. La dernière chose, je vais parler du terrorisme. Les gens sont offusqués devant le terrorisme. Non, je ne vais pas en parler. Je vais pas en parler. Inch'Allah, dans une autre vidéo. C'est compliqué. Je vais demander conseil avant d'en parler. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah nous éprouve pour mieux nous guider. Qu'Allah nous éprouve pour mieux nous guider. Et qui donne la force aux martyrs. Et qui donne la force aux mujahidines de renverser les taghouts. Et qu'il accepte les musulmans qui sont tombés en martyr, qui leur donne le statut de martyr, et qui soigne la Oumma, et qui nous donne la force de soulever le drapeau noir et de rétablir le khilafa. Inch'Allah. Salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.